Alors, deuxième point de la théorie freudienne, on va étudier maintenant la représentation qu'il donne de la psyché humaine, c'est-à-dire de l'esprit humain. Il va nous dire que l'esprit humain, il est un petit peu comme découpé en plusieurs couches, plusieurs strates. Hein. Lui, il dit plusieurs topics, c'est-à-dire plusieurs lieux, comme une maison. Voilà, c'est une maison dans laquelle on a des pièces qui sont ouvertes, c'est-à-dire des pièces auxquelles on a accès, c'est-à-dire la partie consciente, et il y a des pièces qui sont fermées. Hein, c'est la partie inconsciente de l'esprit. C'est comme ça qu'il se représente l'esprit. Et cette structure en plusieurs strates, elle s'est formée grâce au dépassement du complexe d'Œdipe. C'est le dépassement du complexe d'Œdipe qui a établi la structure en disant bah, dans telle pièce, il y a le conscient, dans telle pièce, c'est inconscient. Alors, quelles sont ces strates de l'esprit humain? Alors, celle qui est vraiment la plus fondamentale, hein, mais qui est la plus inconsciente, c'est l'instance primaire, c'est ce qu'il appelle le ça, hein, S en allemand. Donc le ça, qu'est-ce que c'est? C'est la partie un petit peu animale de notre esprit qui renferme nos pulsions instinctives. Mais ce ça, c'est vraiment le fond de notre esprit, c'est vraiment la partie la plus inconsciente. C'est là qu'en fait, au moment du complexe d'Œdipe, on a rejeté le désir le désir de posséder notre mère, le désir de tuer notre père, voilà les pulsions fondamentales, donc le désir sexuel, le désir de mort, donc ces pulsions fondamentales, animales, eh bien on les a rejetées tout au fond de notre esprit dans ce qu'il appelle le ça, c'est-à-dire la partie complètement inconsciente et pulsionnelle de notre esprit. Et donc le ça, il ne se manifeste pas directement, on n'y a pas accès, c'est vraiment c'est comme le grenier ou la cave de notre esprit, on n'y a pas du tout accès. Mais il va se manifester de façon indirecte. Les pulsions qui ont été refoulées dans le ça, elles restent bien dans notre psyché, elles sont bien réelles, elles sont bien là, et elles se manifestent indirectement à travers certains comportements, certaines conduites que nous ne pouvons pas contrôler. Voilà, donc il y a le ça tout au fond, c'est ce grenier dans lequel on a caché nos vilaines pulsions, d'une certaine façon, et à chaque fois qu'on va éprouver un mauvais désir, qu'on va essayer de réprimer, bah Freud veut nous dire on va le rejeter dans notre ça, donc on n'aura plus conscience, mais le ça, il va chercher à chaque fois à se manifester. Donc, tout au fond, le grenier, il y a le ça. Et puis, il y a, en face de ça, il y a le moi. Le moi, justement, c'est la partie consciente de l'esprit. C'est dans le moi que se trouvent les représentations, donc les idées, les désirs, les intentions, les projets complètement conscients que le sujet a. Donc c'est la partie de la psyché qui est directement en contact avec le monde extérieur. C'est la partie que auquel j'accède quand je réfléchis, quand je pense. Et donc c'est la conscience. Bon, il nous dit entre les deux, il y a une espèce de troisième strate hein, qui sert un petit peu à contrôler l'espace entre les deux. C'est une partie qui est à demi accessible, elle est en partie consciente, en partie inconsciente. C'est ce qu'il appelle le surmoi. Et le surmoi, qu'est-ce que c'est? Ça renvoie aux normes, hein, aux règles que nous intériorisons. C'est les règles que nous avons intériorisées dès notre enfance. Voilà, premier interdit, je n'ai pas le droit de coucher avec ma mère, je n'ai pas le droit de tuer mon père. Hein. Souvenez de ce complexe d'Œdipe. Hein. Plus généralement, c'est le fait de les normes qui sont relatives donc à la sexualité et à la violence. Et voilà, il y a des normes fondamentales. Donc, tout au cours de notre éducation, nous allons recevoir des normes, nous allons les intérioriser, et elles vont faire partie de nous. Et donc c'est pour ça qu'il nous dit que ce surmoi, il est à demi-conscient. Parfois on en a conscience, parfois on a conscience d'appliquer certaines normes, mais le plus souvent, ces normes-là, elles sont inconscientes. Il nous dit ce surmoi, il se partage entre deux choses, entre deux sous-couches, encore une fois. Il y a ce qu'il appelle l'idéal du moi. L'idéal du moi, c'est la représentation idéale que nous nous faisons de nous-mêmes. Et elle fait partie de ce surmoi parce que, en fait, les normes que nous appliquons, hein, que, même si c'est de façon plus ou moins consciente, le plus souvent inconsciente, elles sont dictées par une idée, un idéal de nous-mêmes, une bonne image de nous-mêmes que nous avons formée à partir de l'image idéalisée de nos parents. C'est-à-dire que nos parents, voilà, on a dépassé le complexe d'Œdipe, nos parents, ils viennent des modèles pour nous. Parce que c'est eux qui nous éduquent. Et donc, ce modèle idéalisé, forcément, hein, c'est toujours mieux que la réalité, hein, que ce soit la réalité de notre comportement ou la réalité du comportement de nos parents, mais voilà, il y a cette image idéalisée, elle est en nous, et elle nous sert de norme, de guide, auquel on va chercher à se conformer. Mais encore une fois, sans en avoir totalement conscience. Parfois, on en a conscience, voilà, c'est le subconscient ou le préconscient, voilà, parfois on en a conscience, mais le plus souvent, on n'en a pas conscience. Et puis, il y a l'interdit. Donc l'interdit, c'est vraiment les normes qui ont été imposées, notamment au moment où on a surmonté ce complexe d'Œdipe, on a dépassé ce complexe d'Œdipe. Voilà, il y a des interdits fondamentaux, donc qui sont relatifs à la sexualité et à la violence. Donc il y a certaines règles qu'on n'a pas le droit qui nous disent qu'on n'a pas le droit d'adopter certains comportements. Et donc, dans le surmoi, Freud nous dit, se manifeste l'opposition fondamentale, selon Freud, entre deux pulsions, deux instincts primaires, donc la pulsion de vie, donc le désir sexuel, le désir d'obtenir du plaisir, que ce soit via notre corps ou en utilisant le corps des autres, et puis la pulsion de mort, c'est-à-dire le plaisir de détruire l'autre, ou de nous détruire nous-mêmes. Et donc, le surmoi, il vise à contrôler ces pulsions, hein, ces pulsions qui sont dans le ça, qui cherchent à se manifester. Et nous intériorisons le surmoi pour contrôler ces pulsions, pour empêcher qu'elles ne s'expriment dans nos comportements. Voilà, il nous dit notre moi, le plus souvent, on ne pense pas à tout ça, parce qu'on a le surmoi qui contrôle, mais et puis il y a le ça qui cherche à se manifester, et le surmoi contrôle. Et comment est-ce qu'il contrôle? Comment est-ce que le surmoi, est-ce que c'est un petit bonhomme dans notre tête qui nous dit non, ne fais pas ci, ne fais pas ça? Bon, c'est un peu comme ça que dans les dessins animés, on représente parfois le surmoi, entre guillemets, le petit ange qui vous dit ah, tu ne devrais pas faire ci, hein, vous vous souvenez dans les dessins animés. Bon, en fait, il nous dit concrètement, ça se manifeste par le sentiment de culpabilité. En fait, je cite Freud, hein, qu'est-ce que c'est que cet obscur sentiment de culpabilité provient du complexe d'Œdipe. Il est une réaction aux deux grandes intentions criminelles, celle de tuer le père et d'avoir avec la mère des relations sexuelles. Voilà, ça, c'est une citation de Freud qui est tirée d'un texte qui s'appelle « Quelques types de caractères dégagés de la psychanalyse ». Voilà, il nous dit, il y a le complexe d'Œdipe, on l'a surmonté, on a acquis un certain nombre d'interdits fondamentaux qui vont structurer le surmoi, et ces interdits, ils se manifestent dans la conscience, par le sentiment de culpabilité. C'est-à-dire, on n'a pas conscience, au fond, de ces pulsions, de ces interdits. Ce dont on a conscience, c'est le sentiment de culpabilité qui se manifeste comme un malaise, voilà, un mal-être. Il nous dit, parfois, une Freud, il nous dit une désaide. Bon, c'est un mot qu'il fabrique, voilà. Hilflosigkeit, en allemand. Bon, c'est un sentiment, voilà, de détresse qui surgit lorsqu'un désir commence à se manifester et qu'on va le réprimer. Voilà. Bon, il nous dit c'est l'angoisse, c'est l'une des réactions que le sujet éprouve quand il récuse un désir. Voilà, on sent voilà, plus ou moins consciemment qu'un désir commence à se manifester, mais ce désir, c'est un désir mauvais, il est incompatible avec les interdits que nous avons assimilés, et donc nous allons chercher à le contrôler, à le réprimer. Mais cette répression, elle n'est pas volontaire, hein, encore une fois, c'est ça le refoulement. Le refoulement du désir, c'est un peu un mécanisme automatique et que nous ne contrôlons pas. Ce qui se manifeste à la conscience, c'est simplement le sentiment de détresse, de mal-être, voilà, parce qu'il y a cette tension en moi entre mes désirs, mes pulsions, qui peuvent être mauvaises, hein, qui peuvent être incompatibles avec les normes et les valeurs que j'ai intériorisées, et de l'autre côté, ces interdits. Voilà, il y a ce conflit en moi que je ne perçois pas consciemment. Ce que je perçois consciemment, c'est le sentiment de culpabilité. Voilà, le sentiment de culpabilité, dire « Ah non, je ne devrais pas désirer ça, je ne devrais pas éprouver ça ». Il y a un exemple que donne Freud, c'est celui de deux sœurs. Voilà, il y a une sœur qui est en train de mourir, et l'autre sœur, en fait, au moment de la mort de sa sœur, en fait, elle ressent une très grande angoisse. Alors bien sûr, on peut dire, bah, elle est juste angoissée parce que sa sœur est en train de mourir. Mais en fait, Freud fait l'analyse de cette femme, qui par la suite a fait une dépression. Il dit, bon, on peut dire, bon, elle a fait une dépression, c'est juste parce que sa sœur est morte. Il dit, bah, il y a plus que ça. Bien sûr, il y a la mort de sa sœur. Mais il y a autre chose derrière. Et en fait, par son enquête, hein, il pose des questions à la femme, il la fait parler, eh bien il découvre qu'en fait, elle n'en avait pas conscience, mais en fait cette femme, la sœur, qui est toujours vivante, elle était plus ou moins amoureuse de son beau-frère. Et en fait, au moment de la mort de sa sœur, au lieu d'éprouver de la tristesse, elle a éprouvé une forme de satisfaction. Elle était satisfaite d'une certaine manière, sans en avoir conscience, de la mort de sa sœur, parce qu'elle allait pouvoir enfin posséder son beau-frère. Et donc, tout ça, c'était inconscient. Parce qu'elle a refoulé ce désir, elle l'a réprimé en elle-même. Elle ne voulait pas s'avouer qu'elle désirait son beau-frère et qu'elle était contente que sa sœur meure. En fait, tout ça, ce n'était pas des désirs conscients. C'est des désirs inconscients qui ont été refoulés et qui se sont manifestés par cette dépression qu'elle a vécue. Parce qu'en fait, si elle avait pris conscience vraiment de ses désirs, elle se serait dit, mais en fait, je suis une horrible personne. Dans son idéal du moi, dans sa représentation idéalisée d'elle-même, elle était une bonne sœur, aimante. Voilà, qui était triste que sa sœur meure, mais au fond d'elle, il y avait ce désir inconscient de posséder son beau-frère, et donc que sa sœur meure pour qu'elle puisse avoir son beau-frère. Et donc ce conflit s'est traduit par le refoulement des mauvais désirs et ce mal-être, cette dépression qu'elle a subie. Donc Freud nous dit, voilà, c'est la cure psychanalytique qui a pu révéler les désirs inconscients de cette femme, qui se manifestait par son mal-être, mais elle n'avait pas, en fait, consciemment, elle se rendait pas compte, mais au fond, elle était amoureuse de son beau-frère, et au fond, elle était plus ou moins satisfaite que sa sœur meure. Bon, après, elle peut dépasser cette pulsion, nous dit Freud, voilà, le fait de se rendre compte de ce désir inconscient, ça lui permet de surmonter son mal-être, nous dit Freud. Bon, est-ce que c'est vrai ou pas? Ça, c'était toute une question. Après, des gens qui ont commenté Freud, qui se sont dit, est-ce que Freud, l'histoire qu'il nous raconte, est-ce qu'elle est réelle ou pas? Bon, ça, je ne vais pas nous prononcer, mais c'est un exemple que donne Freud pour expliquer ce mécanisme du refoulement. Voilà, j'ai un mauvais désir que j'exprime, que je ressens, je le réprime, mais de façon involontaire. Et ce qui apparaît à ma conscience, c'est une sorte de mal-être, mal-être qui est lié à la tension entre mes désirs et leur non-satisfaction du fait des interdits. Alors, il nous dit, bon, parfois, nous arrivons à trouver des moyens de satisfaire nos pulsions de façon indirecte. Hein, c'est ça qu'il appelle la sublimation. Et la sublimation, c'est ce qui arrive, par exemple, dans la création artistique. Qu'est-ce que c'est que la création artistique? Ben, c'est un moyen pour une personne qui a réprimé des désirs, qui les a refoulés, de les satisfaire autrement. Voilà, bon, je vais créer une œuvre d'art, et cette œuvre d'art, elle va être pour moi un moyen de satisfaire des pulsions que j'aurais pas pu satisfaire de façon directe, parce que mon surmoi me l'interdisait. C'est une explication qu'il donne à la création artistique.